littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique sur Campus FM. Ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Nous sommes le jeudi 19 avril, il est 18h00. Cette année, le festival de photographie MAP fête ses 10 ans, du 4 mai au 20 mai à Toulouse, et mêle volontiers photographie bien sûr, mais aussi graphe, illustration, vidéo, live et musique. Et pour en parler ce soir avec nous, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre Garing, président du festival MAP, et Ulrich Leboeuf, directeur artistique de ce même festival. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique en direct sur le 94 FM à Toulouse. Et on commence tout de suite avec l'humeur de Lou. Salut Lou. Salut Anna. D'une humeur ensoleillée. Ah, quoique, ça, non. Quoique ça, méga râleuse en fait. Ouais, ça va pas du tout là, ça va pas du tout Anna, c'est la dépression, c'est le burn-out des saisons. Non mais vous avez vu le temps qu'il fait ou quoi? Sérieusement, il fait trop chaud. Ah non mais ça y est, il y a un pic de chaleur. Bah ouais, mais moi il y a tout qui me revient en pleine figure comme un mauvais rêve. Ton jean trop serré, tu fais 200 mètres, t'es trempé, les moustiques, les fenêtres ouvertes la nuit pour essayer de faire courant d'air, l'odeur corporelle des gens du métro, de ceux du bus, enfin de partout. Quand il y a des bus, ouais. Ouais, enfin bon là c'est la grève, mais on va dire que j'ai pris le bus, voilà. Si c'est pas vrai, c'est pour la chronique. Non mais enfin c'est l'horreur. En plus moi je bronze pas quand il fait soleil, je deviens toute rouge. Non mais vraiment, alors je vous vois venir, vous allez me dire, et déjà tu viens de le dire, attends mais tu vas pas te plaindre, on sort tout juste de 0 degré, alors un peu de chaleur c'est hyper cool, puis attends ça fait tellement du bien au moral, bla bla bla bla. Et là je vous répondrai que bon, c'est pas faux. Et ça tombe bien puisque j'ai écouté une émission ce matin sur les gens qui râlent justement. Alors cliché ou non, je me suis rendue sur le net pour rendre compte de cet état de fait et vérifier s'il était avéré. Et donc je suis tombée sur un article du Club Mediapart qui, je cite, alors juste entre parenthèses comme ça, le Club Mediapart, c'est pas vrai, enfin c'est des gens qui sont abonnés qui écrivent dessus, donc c'est pas des articles, enfin si c'est des articles sérieux, mais bon voilà quoi. Et donc ouvrez les guillemets, je cite, sur un sondage réalisé en 2011, 61% des Français estimaient la situation de leur pays très difficile et prévoyaient une aggravation dans les mois suivants. Inutile de vous dire que nous étions en tête du classement mondial des pessimistes, fermez les guillemets. Alors bon, c'était un peu en 2011, alors je me suis dit que ça avait sûrement changé, mais j'ai croisé ma sœur entre-temps, et quand je lui ai parlé de cet article, elle m'a répondu « Ah bah c'est drôle ça, tu pourrais parler de toi dans ta chronique, parce que tu passes ton temps à râler. » Bah moi je sais pas du tout de quoi elle parle quoi, enfin je pense qu'elle devait se projeter en moi. Si, la psychologie miroir, c'est très fréquent entre sœurs. Ouais, si. Non, puis moi, râler, je crois pas. Non, je déteste les gens qui râlent. Ils sont là à se plaindre tout le temps. Ah non, mais je supporte pas ça. Mais ça me met dans un état. Toujours en train de critiquer, de juger, de parler, de vivre. Vraiment, me manquerait plus qu'ils respirent. Non, mais franchement, en plus, moi, je parle jamais de moi dans mes chroniques, vous imaginez? Moi? Non, pas moi. Moi. Non, je voudrais pas paraître égocentrée, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon rapport aux gens. C'est que je, moi et moi-même, puissions parler de sujets sensibles. Enfin, comme si je ne parlais que de moi. Non, puis après quoi, je vais me mettre à parler à la troisième personne? Non, attends, ça va. Mince, j'en étais où déjà? Oui, les gens qui râlent, oui, c'est vrai. Alors, les Français sont des râleurs, il paraîtrait. Je sais pas, vous vous sentez concerné, vous? Non? Je sais pas, Anna, tu râles, toi? Jamais. Ouais, c'est ça. Puis en plus, t'es de mauvaise foi, super, on a tout gagné. Non, bon, après, c'est vrai que c'est insupportable, les gens qui se plaignent tout le temps. Hein. Mais moi, je connais des personnes, c'est leur raison de vivre. Je suis sûre qu'ils ont pas l'impression d'exister s'ils râlent pas, quoi. Moi, j'ai juste envie de leur dire, pardon, mais vous êtes sûre que ça va bien? Parce que je pense que ça cache juste de bien belles frustrations, en fait. Et puis quand vous faites remarquer à quelqu'un qu'il râle, il se met en mode autodéfense. Ah non, je râle pas, attends. Non, franchement, moi je connais des gens qui râlent, je peux te dire que moi à côté, franchement, je râle pas. Enfin bon, ça n'en finit jamais, et encore je dis ça, mais on est dans le sud de la France. À Paris, il paraît que les gens râlent encore plus. Alors un faux ou un tox, la mauvaise humeur parisienne. Alors pour pallier à cette mauvaise ambiance, je vous laisse en compagnie de Thomas Dutronc avec sa chanson « J'aime plus Paris » puisque visiblement lui aussi s'est amusé à râler sur les gens qui râlent. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien. On veut se barrer, même plaque et or. Paris est mort, il est 5h, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût. D'être millionnaire, pour ces parias, la ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche, il est fini. Paris d'Audiard, venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais le pari. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris. Et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. On écoutait à l'instant J'aime plus Paris par Thomas Dutronc sur son album Comme un manouche sans guitare, sorti en 2007 pour nos amis les Parisiens, tête de chien, mais ça marche aussi avec les Toulousains d'ailleurs. Pour fêter dignement ses 10 ans, le festival MAP s'installe dans un lieu inédit, encore jamais ouvert au grand public, la Cartoucherie de Toulouse, autour de 12 expositions d'artistes renommés et de 2 jeunes photographes en devenir, lauréate d'ailleurs, bourse MAP 2018. Oups. MAP, ce sont aussi de nombreuses animations, rencontres, projections, ateliers, signatures de livres, marathons, photos et d'événements festifs et gustatifs, brunch, apéro, DJ set, du matin au soir avec des nocturnes les vendredis et samedis du 4 au 20 mai prochain. Et pour rendre la culture photographique accessible à tous et sensibiliser le grand public à la discipline, le festival MAP est depuis toujours entièrement gratuit. MAP, ça vient du mot « mise au point » en photographie. C'est l'action de diminuer ou d'augmenter une propriété dans le réglage de l'appareil photo pour améliorer la netteté de l'image. Mais la mise au point, c'est aussi discuter, échanger autour d'un sujet, d'une situation, dans le but d'en améliorer la condition. Pierre Garrigue, vous êtes président et cofondateur du festival. Alors, 10 ans de festival, ça fait quoi ? C'est le début de la vieillesse, ou plus exactement, c'est le début de la maturité. C'est-à-dire que un festival, c'est un peu comme un bon vin. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut apprendre, se tromper, modifier, rectifier, aller vers son risque. Et c'est ce qu'on bâtit modestement depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on est quand même assez fiers de ce que l'on a fait. Parce que j'écoutais ce que vous venez de dire et ça me faisait un peu quelque chose pour tout vous dire. Parce que MAP, c'est vraiment une mise au point dans les deux sens que vous venez de dire. Et puis c'est également aussi une vraie volonté depuis le début de défendre les jeunes talents. Alors jeunes ou moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour les talents et pour le talent. Et une vraie volonté aussi de payer des droits d'auteur et tout ça en essayant de créer tous les ans un lieu où on le partage ensemble, c'est-à-dire à la fois avec les professionnels et les amateurs. Pourquoi le choix d'un festival d'ailleurs, sur une période courte dans l'année ? Est-ce que ça aurait pu être un lieu ouvert toute l'année ? En fait, bon, ça c'est un peu notre Graal. Vous savez, au Festival MAP, tous les ans on a un lieu MAP. Et ce lieu MAP, c'est un peu l'endroit qui vient couronner le travail de toute une saison, où tout le monde se retrouve. Mais en fait, derrière, il y a toute une équipe qui travaille pendant 11 mois dans l'année d'arrache-pied pour présenter ce moment-là. Alors évidemment, un jour, le Graal, je vous le disais, c'est d'avoir un lieu à l'année. Mais avant d'avoir un lieu à l'année, il faut faire, refaire, continuer, et puis petit à petit, on évoluera comme ça. Les années précédentes, le festival durait un peu plus longtemps ? Alors oui, les années précédentes, le festival durait un mois. Cette année, c'est notre 10e anniversaire et on a la chance depuis 10 ans d'évoluer et de découvrir et de s'approprier des lieux fantastiques dans Toulouse, patrimoniaux, tels que le musée Paul Dupuis, le musée Georges Labitte. On a eu aussi la Saint-Henri-Martin à la mairie de Toulouse, ou le cloître des Jacobins, l'espace EDF Bazac, bref, des lieux incontournables de la ville. Et on avait envie de faire les choses différemment cette année et de se remettre en question. On en parlera un peu après avec Ulrich. Et on avait très envie d'un lieu alternatif. Et donc on a eu la chance de pouvoir accéder à la cartoucherie. On s'est battu pour l'avoir. On nous a fait confiance. Mais la cartoucherie, c'est un endroit qui fait 11 000 mètres carrés. Et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de sécurité. Donc si vous voulez, une fois qu'on a mis tout bout à bout, en fait c'était un peu notre Himalaya à nous cette année, et on est en train de le gravir tranquillement, mais raisonnablement, parce qu'un festival, vous l'avez dit, entièrement gratuit, ça nécessite d'avoir des budgets maîtrisés, surtout quand on paie les droits d'auteur et qu'on produit quasiment la totalité des expositions aux photographes, à qui on remet d'ailleurs ces expositions à la fin. Et donc on a été obligé de réduire la durée du festival. Juste, on ne fait plus un mois, mais quand même on arrive à faire 15 jours en ayant 3 week-ends. Donc on est malin jusqu'au bout. Parce qu'avant, il n'y avait pas les week-ends. Si, avant, il y avait les week-ends, mais là, on s'est dit comment on peut exploiter au maximum du maximum par rapport à notre budget. Et on s'est dit que quand même, les endroits où il y a le plus de monde, dans les musées comme partout ailleurs, c'est forcément les week-ends. Et malgré tout, en étant ouvert 15 jours, on arrive à avoir 3 week-ends. Donc, bon, voilà, c'est bien, on est heureux. Ulrich Lebeuf, vous êtes photographe, photojournaliste et photographe documentaire, pour être précise, et directeur artistique du festival. Alors depuis 2014, donc ce ne sont pas encore vos 10 ans. Non, moi je suis un tricheur, moi. Mais il est majeur. Quel est le rôle d'un directeur artistique sur un festival de photo ? Le rôle d'un directeur artistique, c'est le rôle que le président lui donne. C'est que Pierre est le fondateur du festival et comme tu as fait 5 ans, 4 ans. Alors pour moi, c'est ma 5e édition. Voilà. Donc c'est majeur. Je suis majeur. Ce sera ma 5e édition à direction artistique et c'est Pierre qui m'a confié cette responsabilité avec un projet. C'est lié à nos échanges où Pierre avait envie de que le festival prenne certaines directions et qu'il souhaitait, et dans ce cas-là, moi il met aux responsabilités entre un président et un premier ministre, on va dire. C'est très c'est très d'actualité, ça se fait de manière beaucoup plus relaxe, mais c'est un peu ça en fait. Mais enfin, je tiens à dire quand même que t'as beaucoup plus de responsabilités et où tu portes plus que le premier ministre actuel les projets. C'est vrai. je te laisse la responsabilité. C'est une vraie complicité. Une vraie complicité. Vous arrivez-t-il de laisser de côté votre œil de photographe justement pour un regard plus objectif sur le travail des autres ? Tout le temps. Comment on fait ? Tout le temps. Mais en même temps, c'est passionnant. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai avec mon passif de photographe, vous avez quel âge ? J'ai 45 ans et ça fait 25 ans que un peu plus même que je fais de la photographie. Et c'était le bon moment pour passer de ce côté-ci. Alors ça ne veut pas dire complètement, parce que je continue à être photographe et c'est ma première vocation, on va dire. Mais c'était le bon moment pour pouvoir être capable de prendre un peu de recul sur ma vision très personnel de la photographie qui correspond à mon acte photographique et mettre en avant d'autres talents. Justement, en 2013, donc c'était avant, vous preniez la direction artistique du festival. C'était pendant le festival, lors d'un atelier hors clos pendant le festival MAP. Vous évoquez votre travail, on vous écoute. Ça, je kiffe ce genre de truc-là. C'est deux boulots et les deux répondent complètement au huis clos et à l'intime, quoi. Complètement. Remets-moi, je veux revoir. Pardon, laquelle ? Tout. Tu vois, c'est hyper fort. Et il y a un vrai parti pris esthétique. C'est, enfin, voilà, c'est assez beau. C'est rassurant de faire quelque chose qu'on maîtrise. Et c'est déstabilisant d'aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ce truc-là, et sur ce fil-là, de se laisser porter, déstabiliser, qui va devenir intéressant. Et ça pourrait être en changeant d'outil, par exemple. Pourquoi pas ? Moi, je te dis, pour ma part, mais ce n'est que ma vision des choses, moi j'utilise des outils différents suivant ce que j'ai. Voilà, je peux travailler au Polaroid, je travaille en numérique, je travaille en 24-36, en 6-7, en couleur, en noir et blanc. Pendant des années, pendant 10 ans, je faisais que du 6-7, moyen format et tout ça. J'étais vraiment enfermé dans ce truc-là. C'était aussi d'avoir une identité photographique, ce qui permettait de travailler. On m'appelait parce que je bossais comme ça et que voilà. Là, maintenant, j'ai jeté un peu tout ça et suivant, moi, les derniers boulots, c'est même plus de la photo. Quoi. Ça ressemble à de la peinture plus à de la photo. Donc, mais ça correspond à mon propos, à ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Donc, on s'en fout de l'outil, quoi. Tu vois, peu importe, quoi. Peu importe. On s'en fout de l'outil de Rick Rodolphe. Oui, mais totalement. C'est totalement. Bah, on s'en fout de l'outil parce que, par exemple, tout le monde, aujourd'hui, Pierre, tout le monde est. Voilà, Pierre est en train de faire des photos avec son smartphone. Donc, je ne garantis pas la qualité quand même. Je suis un grand enfant. Voilà. Mais donc, voilà, c'est un outil qui fait de l'image, qui fait de la photographie. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était le propos. Le propos, voilà, de l'auteur, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a plein de manières de raconter et de faire de l'image, de la photographie. Et quand vous dites mes photos, c'est plus des photos, c'est de la peinture. Ben ça, c'est des périodes. C'est-à-dire qu'on peut, pourquoi pas. C'est vrai que mes derniers boulots, en ce moment, je travaille sur un gros projet à Naples pour un prochain livre qui sortira au mois d'octobre et. Et c'est vrai que le côté premier degré de la photographie disparaît un petit peu. Il y a une matière qui se révèle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de pratiquer la photographie comme ça. Et ce n'est qu'un processus d'évolution personnel. Vous avez dit, la photographie est un univers qui évolue au fil des innovations technologiques, certes, mais avant tout à travers les photographes qui portent des regards originaux et en constante évolution. Je pense que ce ne sont que les photographes qui font évoluer la photographie. Sûrement pas les profs d'école de photo, les directeurs artistiques de festivals. c'est pas eux qui font avancer la photographie, ce sont les photographes. Nous, quand j'ai cette double casquette de directeur artistique ou de prof dans une école, voilà, on ne fait que s'adapter à la proposition de l'auteur quand on a compris. Un directeur artistique a des références. Un photographe est là pour bousculer ces références-là. Il est là pour réinventer les choses. Donc en fait, tous ces gens-là, les directeurs artistiques, les critiques, tout ça, ils ont toujours un temps de retard. Là, on entendait un workshop. Est-ce que vous proposez ce genre de choses cette année ? Non, cette année on fait des médiations culturelles parce qu'on a la chance d'avoir tous les photographes exposés présents. Et bon, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est gratuit au Festival MAP et on fait des médiations culturelles gratuites. Bah, c'est exceptionnel parce qu'on va pouvoir faire une médiation culturelle avec Antoine D'Agata, avec des photographes Red Keane, Antoine Bruy, bon je veux pas tous les citer, mais ce sont des gens, ce sont des moments incroyables. Parce qu'une exposition, qu'on s'y connaisse ou pas en photographie, quand on la regarde, je peux vous assurer que c'est pas du tout la même histoire que quand le photographe est à côté de vous et vous raconte pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait cette photographie, ça n'a pas la même histoire. Vous parlez d'Antoine D'Agata, il a une histoire assez particulière et un parcours bien violent. Ben, c'est sa vie. Donc c'est avant tout un homme qui ne triche pas. Cette exposition, on est fiers de la faire, très fiers. Parce que honnêtement, on n'a pas les moyens de faire une exposition comme ça. Sauf qu'Antoine D'Agata, c'est un très grand photographe, mais c'est un bonhomme. C'est-à-dire qu'il nous a ouvert ses portes, et c'est-à-dire qu'il a eu envie de travailler avec nous. On n'a pas une exposition qu'il a déjà montrée autre part, puisqu'il a c'est une résidence. Il a conçu cette exposition pour le festival avec Paquito Bolino. Et derrière, oui, ça traduit sa vie. C'est pas une violence. Il montre ce qu'est sa vie, son parcours, son autodestruction ou pas. Après, chacun se fera juge et pensera ce qu'il a pensé de son travail. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'une justesse et d'une honnêteté qui est juste. C'est très dur ce qu'il montre, mais c'est pur. Ça le rend très beau. En tout cas, c'est ce que j'en pense, moi. Ce qui est important, c'est que ce que vient de dire Pierre, c'est parler d'une honnêteté. Ah ouais. Et ça, c'est, de c'est, pas tricher. C'est, voilà, de pas tricher. Et ça, c'est primordial dans la photographie, mais dans la création de manière générale. Mais voilà. Et là, on est. Je pense qu'aucun de nos photographes ne triche. Mais là, forcément, ça se voit un peu plus puisque le sujet est plus dur et la manière qu'il a d'aborder la photographie est plus complexe et plus dérangeante, mais c'est aussi ce qu'il veut faire, aussi déranger. Et après, ce qui est très drôle, juste un mot, c'est que les photographes qui vont exposer à côté de lui cette année, ils ont la pression. Parce que c'est un monsieur, parce que c'est quelqu'un, et quand on est à ses côtés, il faut être au rendez-vous. Mais bon, on est content parce que du coup, ça ne fait que donner des bonnes ondes à notre exposition de cette année. Vous l'aurez compris, j'aime bien les citations. Et alors là, je vais carrément citer le Centre Pompidou à Paris, qui proposait une exposition « Qu'est-ce que la photographie ?» C'était au printemps 2015, en posant ces questions, je cite « Que reste-t-il lorsque tout a déjà été photographié ? Lorsque des décennies d'enregistrements photographiques semblent avoir épuisé tous les sujets, l'ensemble des mises en scène imaginables, et la totalité des angles de vue possibles, que reste-t-il lorsque le réel semble exténué à force d'avoir été redupliqué ?» Pierre Garrigue, vous avez une minute. Qu'est-ce que la photographie ? Oula ! Ça fait 10 ans, je sais toujours pas. Alors, vous voyez, c'est compliqué. Non, moi, si je pouvais dire une chose par rapport à ça, ce qui reste, c'est l'engagement. C'est l'honnêteté, l'engagement, l'envie. Et ça, c'est capital parce que nous, tous les ans, on part d'une page blanche. Je le ramène un peu à ce qu'on fait parce que c'est difficile de qu'on peut se comparer. Voilà. Mais tous les ans, on part d'une page blanche. Et tous les ans, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Et il nous faut 15 jours pour savoir ce qu'on fait. Et après, tous les ans, on trouve des boulots. Par rapport à un angle. Par exemple, si vous voulez, il y a 3 ans, on a fait la photographie française. On aurait très bien pu faire une exposition avec Doisneau, tous les grands photographes français. Nous, on a dit non, on va faire la photographie française, entre guillemets, contemporaine. On l'a anglais, on l'a punché. Donc, ce que je veux dire, c'est que la photographie est en vie, n'a jamais été autant en vie. Et les jeunes, il n'y en a jamais eu autant qui sortent des écoles de photographie et il n'y a jamais eu autant de talents. Seulement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à montrer ses talents. Et nous, notre rôle, c'est de continuer à essayer d'aider à notre juste mesure ses talents à émerger, à les montrer et à montrer la jeune photographie. Alors oui, la photographie a de très grands lendemains, ça c'est certain. Éric Leboeuf, même punition. C'était quoi la question ? Qu'est-ce que la photographie ? Tu as 10 ans. Alors, moi, je sais pourquoi j'ai commencé à photographier. J'ai commencé à photographier parce que ça m'a permis de m'inviter là où j'étais pas invité. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui, de par mon éducation, mon niveau social, ma culture, auraient fait que je les aurais jamais rencontrés. Donc, moi, ça a été un gros prétexte parce que j'étais extrêmement curieux et qu'en classe, j'avais tendance à regarder un peu plus par la fenêtre que sur le tableau. Et j'avais envie d'aller ailleurs. Et un jour, j'ai découvert un espèce de prétexte incroyable qui était l'appareil photo et qui me permettait de rentrer chez les gens et tout ça. Donc, pour moi, la photographie, c'est ça. Et je pense que, contrairement à ce que disait à travers une question, parce que c'était une question du Centre Georges Pompidou, je pense que, et comme vient de le dire Pierre, la photographie est en pleine évolution parce que techniquement, elle a évolué, elle est devenue accessible. De plus en plus de jeunes se l'accaparent, mettent de côté la technique et tout ça. Et je le disais dans le petit enregistrement sonore tout à l'heure, où la technique, on s'en fout un petit peu. Donc, les choses se réinventent et le monde se réinvente. Le monde se réinvente, moi je le vois à travers les jeunes artistes, les sujets qu'ils nous proposent. On a eu, comme par hasard, des sujets qui concernent cette année le féminisme. on a inévitablement deux artistes, deux jeunes artistes, une photographe chinoise qui sera présente, qui a été lauréate des Bourses MAP, qui travaille sur la question du féminisme en Chine. En Chine. Et on a eu une jeune photographe belge de l'école Agnès Varda, qu'on a accompagnée toute cette année, qui pose des questions aussi à ce sujet. Donc le monde se réinvente, les questions se réinventent et les artistes s'accaparent et questionnent le monde. Donc l'évolution, elle est avec tout ça, quoi. Merci Pierre Garrig, merci Ulrich Leboeuf. On se retrouve dans un instant, le temps d'écouter True Dancing par O'Flynn. Rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. On vient d'écouter le morceau True Dancing par l'artiste anglais O'Flynn. C'est un son qu'affectionne particulièrement Enzo Montgaillard, qui partage un DJ set avec Matt Mendez, star DJ toulousain, autour d'un brunch à midi. Alors ça, c'est le samedi, dimanche, 6 mai, pendant le festival Photomap. Il y aura des huîtres, du vin, de la musique. Un bon moment de partage. Il y a du soleil. Dans le lieu MAP. Et on est toujours en compagnie de Pierre Garrig, président de MAP, et Ulrich Leboeuf, directeur artistique du festival, à découvrir donc du 4 au 20 mai à la cartoucherie de Toulouse. J'ai toujours envie de dire Vincennes. Pierre Garrig, alors vous insistez en général, et vous l'avez déjà dit plusieurs fois, là, sur la gratuité du festival, de la sélection des auteurs, la production des expositions, la recherche de partenaires, la scénographie, la communication, l'électricité, vous l'avez dit, à la cartoucherie, la création graphique, la médiation. Toutes les étapes de fabrication sont entièrement réalisées en interne par une agence, l'agence PGO. Le festival est entièrement autoproduit. Comment faites-vous ? Bah écoutez, à l'agence, on a de jolies rames. Et on adore les utiliser. Non, on s'éclate. Voilà, c'est parti comme ça il y a 10 ans. Un jour, on a dit on y va, on monte ça. J'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi qui me suit. Mais financièrement, comment vous faites ? Bah en fait, c'est devenu pourquoi tout n'est pas gratuit alors ? C'est devenu un projet participatif en fait. C'est devenu un projet participatif dans l'agence et surtout chez nous dans notre agence c'est un peu comme une famille, on passe plus de temps ensemble qu'à la maison et tous les gens qui travaillent à l'agence y sont depuis de nombreuses années, donc tout le monde a cet ADN MAP. Donc tous les ans c'est quelque chose qui vient en plus des dossiers toute la journée, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné où dès le mois d'octobre, Ulrich commence à arriver au bureau, commence à venir, partir, puis revenir souvent. Tout le monde essaie d'être réactif. Je peux vous dire par exemple que aujourd'hui, et hier, et la semaine dernière, la salle de réunion de l'agence s'est transformée en salle d'atelier pour mettre les expos dans les cadres. Donc il passe des gens de PGO qui travaillent, il passe des bénévoles qui travaillent, Ulrich qui travaille, tout le monde travaille là-bas. Quoi, tout le monde bosse. Et en fait c'est bien, c'est bien, ça met de la vie et on s'éclate, vraiment on s'éclate. Vous versez des droits d'auteur à tous les artistes aussi que vous exposez, des invités, les jeunes talents, vous parlez aussi des droits pendant le festival, c'est important. Je vais être très honnête, le jour où on ne peut plus faire la gratuité du festival, le jour où on ne paiera plus les droits d'auteur aux photographes, on arrêtera le festival. C'est aussi simple que ça. C'est pour moi aujourd'hui, ça a rien d'exceptionnel de payer des droits d'auteur aux photographes. Si, non, c'est normal. Non, enfin, ça devrait être normal. Ça a rien d'exceptionnel. C'est la normalité. Il se trouve que l'expérience étant, au bout de 10 ans, je me suis aperçu au fil des années que c'était pas le cas partout. Il me paraît inconcevable que dans un festival de musique, on ne paye pas un cachet aux chanteurs ou un groupe de musique. Aujourd'hui, dans des festivals, beaucoup de festivals photo en France, on paie les installations, on paie les tirages, mais on ne paie pas souvent les droits d'auteur aux photographes. Et dans un monde où on a des écoles photo, on a des belles écoles, des gens qui sortent tous les ans, si on ne montre pas la jeune photographie et si on ne la rémunère pas, ça veut dire qu'on la tue. Tout simplement, pourquoi ? Parce que cet argent-là leur sert pour continuer à produire, pas pour partir en vacances ou pour faire des trucs... Non, pour continuer à vivre et à produire. Et les expositions qu'on leur remet à la fin du festival leur permet d'exposer de nouveau pour continuer à avoir des droits d'auteur. Et tout ça, c'est une chaîne vertueuse qui est normale, qui n'est pas vertueuse, qui est une chaîne normale. Bon, il se trouve que depuis 2-3 ans, je trouve qu'on trouve que ça bouge un peu, que les gens commencent à payer des droits d'auteur. C'est super. Il faut que ça continue parce que les collectivités auront de moins en moins d'argent. Les entreprises, les budgets de com, c'est la première chose qu'elles suppriment. Donc il faut y aller quoi, parce qu'autrement il y aura la photographie sera là pour le coup en difficulté. Juste une petite chose, on est quand même soutenu par des gens. Hein, on est quand même soutenu par des gens, on est soutenu par la ville de Toulouse, on est soutenu par le département, on est soutenu par la région, bien évidemment, qui nous aide financièrement à monter le festival. On a des partenaires privés aussi qui nous soutiennent. Voilà, ça c'est important parce que financièrement, on a besoin de ces moyens-là. Il y a toute une logistique, une équipe technique et des moyens qui sont mis à disposition à travers l'agence PGO, mais il y a aussi un soutien des institutions. Oui, oui. Et là où a raison Pierre d'insister sur ces histoires de droits d'auteur, je crois qu'on est 3 festivals en France de photographie à verser des droits d'auteur aux photographes. Donc c'est très peu, ça semble normal pour tout le monde, mais c'est assez exceptionnel. Les choses devraient avancer. C'est des discussions que nous avons avec le ministère de la Culture qui sera présent cette année à l'inauguration du festival. On avance sur ce sujet-là et on nous interroge aussi sur cette question-là puisque ça fait des années qu'on se bat sur ce sujet. Et le jour où, si les festivals continuent à fonctionner comme ça, à ne pas payer des droits d'auteur aux photographes, les photographes vont tout simplement mourir, disparaître, et donc il n'y aura plus de festival de photographie. Donc il y a une vraie question aujourd'hui, là où aujourd'hui l'image est rentrée dans tous les foyers, est un véritable langage courant. Et ben, aujourd'hui, la photographie doit y avoir un accompagnement de l'éducation nationale, pour expliquer ce qu'est la photographie, le langage de la photographie. Les gamins communiquent avec des smartphones, avec des images, donc il faut les accompagner et soutenir la création des photographes pour ne pas se retrouver uniquement avec que de la photographie smartphone, j'ai rien contre, mais pas uniquement. Accompagner les artistes, c'est ce qu'on essaye de faire, et voilà, à travers ces droits. Il y a un seul événement payant, et non des moindres, une représentation exceptionnelle de la pièce, Éloquence à l'Assemblée, avec Joëstar. Ça, c'est le samedi 5 mai à partir de 20h. Seul sur scène, Joëstar reprend une sélection des plus grands discours prononcés à l'Assemblée nationale et déclame du Victor Hugo, du Jean Jaurès ou encore du Simone Veil. On écoute un extrait. L'homme qui postule de certains droits politiques se doit à lui-même, doit à ses enfants, à sa femme, à ses parents, de faire un usage personnel de ses droits dans l'intérêt de tous. Oh, qu'est-ce que tout cela ? Sinon une dégradation successive et profonde, une dépravation de plus en plus complète des mœurs publiques. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. L'homme a le droit de reprendre par la force ce qui lui a été enlevé par la force. Pierre Garrigue, pourquoi le choix de ce spectacle ultra politique qui évoque la paix, la peine de mort, la morale de ceux qui gouvernent, l'avortement ou le droit à la culture pour tous ? Parce que c'est évident. Parce que MAP, c'est ce qu'on défend, c'est ce que je viens de vous dire avec Ulrich, qu'on vient de vous expliquer, c'est les droits d'auteur, c'est la gratuité pour tous, c'est quelque part tout petit, en toute humilité, des choses qui nous paraissent essentielles dans la vie. Et quand on a 10 ans, on aurait très bien pu faire un concert. On aurait très bien pu faire... un jour, j'étais en déplacement et je suis tombé sur Joëstar qui faisait ça dans une gare à Paris, de manière spontanée, sur une vidéo sur Twitter. Et de suite, j'ai appelé Ulrich dans la seconde et j'ai dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On cherchait, en fait. J'ai dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse parce que ça nous ressemble. Et c'est parce que pour moi, c'est faire de la politique militante. C'est la bonne politique citoyenne. Donc, franchement, malheureusement, on n'a plus de place assise déjà. Il reste quelques places debout. Mais j'invite les gens à venir l'écouter. Parce qu'après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous, on a eu la chance de le rencontrer. Voilà, on a notre opinion dessus. Mais je vous assure, et puis j'invite les gens à lire aussi sur le net les critiques du spectacle. C'est un grand moment. J'ai eu la chance de le voir. C'est un très grand moment. Ça vous prend aux tripes. Il a cette voix. Puis aussi, il y a le lieu. Parce que, c'est à la cartoucherie. Voilà. On faisait notre soirée d'anniversaire à la cartoucherie. Je veux dire, faire éloquence à l'Assemblée avec Victor Hugo, Aimé Césaire, Simone Veil, Lamartine, et j'en passe et d'autres, et Robespierre. En particulier Jaurès. Et Jaurès, merci. Et Jaurès, merci de le dire. Dans la halle de la cartoucherie. Ça a de la gueule. Ouais, c'est que ça a du sens surtout. Ça a un sacré sens. Et je vais vous faire une petite anecdote qui résume un peu tout ça. Cette année, on a la chance d'avoir Tilt parmi nous, qui est un graffeur, qui va travailler avec un super photographe toulousain qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Gaël Bonnefond. Et l'autre jour, on a fait la conférence de presse du festival. Et on parlait avec Tilt et tout. Puis Tilt parlait aux journalistes. Il dit, oui, vous savez, moi j'ai une histoire, je suis content de revenir ici parce que j'ai tagué quand c'était un endroit un peu interdit dedans. Et, mais vous savez aussi, ma mère travaillait dans la cartoucherie. Et en fait, évidemment, on a invité sa mère pour cette soirée-là. Et tout ça fait sens. C'est qu'il y a de la vie, il y a 100 ans derrière, il y a lui qui va venir avec sa voix. Il y a les 10 ans de MAP avec, quand même, on est un peu militant dans le sens que l'on aime, nous en tout cas, avec Ulrich. Donc voilà, je pense que c'est évident. Alors le Festival MAP, c'est aussi un véritable tremplin pour découvrir des nouveaux talents cette année. Le jury a nommé deux lauréates, vous en avez parlé Ulrich tout à l'heure, Christelle Richard-Dauphino et Anna Zhang. Christelle Richard-Dauphino, elle vit à Toulouse avec son projet Page. Elle expose son intime à partir de photos qu'elle a collées dans des carnets qu'elle promène partout pendant des années jusqu'à la mort de son amoureux Rémi, des suites d'une grave maladie. La maladie de Rémi dure 3 ans, il meurt à 33 ans. Et je cite l'artiste, « Pendant cette traversée du désert, je vends tout, sauf le coffre où reposent mes carnets et je traverse la France pour m'installer à Toulouse. » Anna Zhang, vous en avez parlé, Pierre, elle vit à Shanghai avec son projet A Room of Her Own, en français une chambre avec elle. À elle, elle évoque la relation entre hommes et femmes, de la lutte constante de la femme dans des relations dirigées par la mentalité traditionnelle chinoise. Sur les gens, c'est ça aussi la photographie, c'est raconter des histoires, c'est raconter la société. Bah encore une fois, tout à l'heure on disait, est-ce que la photographie a un présent et un avenir ? Bon, bah, tant qu'il y aura, comme l'a très justement dit Ulrich, tant qu'il y aura des sujets dans le monde entier, bah, la photographie sera là pour en témoigner, et nous on sera là pour la montrer. Donc oui, ça a un sens. Et le travail qu'elle fait, c'est remarquable. Je peux vous dire aussi une chose, c'est que on s'est dit, elle viendra pas. Anna Zhang. Oui. Ben, 1er mai, elle a dit, je serai là. Et il n'y a pas eu, ça s'est fait. On prend en charge, mais je veux dire, on pensait pas. Et c'est des gens d'une simplicité. Et puis nous, on est ravis. Et non. Qu'est-ce que puis-je dire de plus ? Cet appel à hauteur, vraiment tous les ans. Ce sont deux professionnels, c'est pas toujours le cas pour les lauréats de la bourse. C'est pas ce qui nous intéresse particulièrement. C'est une question. Moi, je pensais que c'était des non-professionnels. Non, je vous en prie. Et c'est une très bonne question. Ce qui nous intéresse, ça s'appelle la bourse talent. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est des talents. Le talent. Donc qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs. Bon, là, très très très clairement, si on arrive en finale avec un jury où il y a deux travaux photographiques, les deux vont être primés ou l'un ou l'autre, forcément là on va commencer à regarder les bios de chacun, voilà, ben, si c'est un professionnel qui a besoin d'être un peu plus soutenu financièrement, peut-être qu'on ira vers ça, voilà, en étant très clair, mais... Pour l'instant, d'abord, ça ne s'est pas présenté comme ça. Et c'est vraiment... C'était le thème de l'amour cette année. Ouais, c'était le thème de l'amour. Et d'ailleurs, il y a une Toulousaine parmi les lauréates. Ouais. Mais on l'a découvert à la fin parce que quand je présente les dossiers au jury... Vous avez découvert jury, qu'elle était Toulousaine à la fin ? Oui. D'accord. Quand je présente les dossiers qu'on reçoit au jury, on n'a pas le nom, ils n'ont rien. Et voilà, la sélection se fait vraiment sur le travail photographique. Alors... Il y a des jurys qui connaissent certains travaux, hein, forcément, voilà. Mais et on a découvert à la fin, on a fait ah bah tiens, mais c'est une Toulousaine, voilà. Donc il y a pas eu tricherie. C'est une Vous vraie avez Toulousaine. Reçu combien de propositions ? 452. D'accord. Il y a un autre événement pendant le festival avec Poussière d'Images. Vous proposez un marathon photo. Alors ça, c'est le dimanche 6 mai. C'est quoi ce marathon ? C'est un rendez-vous familial parce qu'il faut pas, faut l'essence même au départ du festival MAP. MAP a commencé comme un festival de photographie amateur et comme le disait très justement Pierre. C'est un festival bah, qui est mouvement, nomade, qui évolue et qui avance. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Mais quand même, il n'était pas question de mettre de côté les amateurs. Et puis surtout, garder l'idée d'un rendez-vous familial. Voilà, le marathon photo, c'est un petit jeu. On peut y aller en famille, on peut prendre ça au sérieux ou plus à la légère, on va dire. Et ben voilà, il y a des thèmes et c'est un rendez-vous familial. Il y a à peu près 400 participants et on leur donne un thème, ils vont réaliser des images qui répondent à ce thème. Et puis quand ils donnent l'image qui répond à ce thème, on va leur donner le deuxième thème qu'il faut pas dire au voisin qui a pas fini le premier. Voilà, c'est un petit jeu, c'est un vrai rendez-vous. Et puis ça permet de mettre en avant aussi la ville, puisque la thématique ben, oblige ces photographes à errer, à se balader dans la ville et à mettre en avant le patrimoine de la ville. C'est plus un jeu de piste. C'est un jeu de piste photographique avec des lauréats, avec un résultat. Mais voilà. Ce sont des gens très passionnés. Voilà. Merci beaucoup Pierre Garrigue et Ulrich Leboeuf d'être venu faire un tour dans Rien à voir quoique. J'en profite aussi pour remercier Juliette Viennot, votre attachée de presse de l'agence PGO, pour la préparation de cette interview et de votre venue. Chers auditeurs, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le travail. J'allais citer tous les photographes, mais peut-être que Pierre, vous pouvez le faire. Alors, il y a une exposition de Guillaume Chiron, une exposition d'Antoine Degatta et Paquito Bolino, qui est une résidence. Il y a Bertrand Després, ça va être assez incroyable, puisque il va présenter un atelier. En fait, on savait pas trop comment faire son exposition, et quand on est arrivé dans son atelier, on s'est dit, bon, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, lui, c'est pas une exposition, c'est un bout de son atelier qui vient à Toulouse. Il y a une exposition d'Antoine Bruy, jamais montrée, qui est remarquable. Il y a Théo Renaud, qui typiquement, comme disait Ulrich tout à l'heure, est une exposition qui est soutenue par le conseil départemental 31, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une exposition qui est produite par le festival et qui sera remise au photographe à la fin, et on sait déjà qu'elle sera exposée trois fois d'ici la fin de l'année dans le département, avec trois fois des droits d'auteur. Typiquement, voilà, ça prend un peu sens par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez une exposition de Fred Kinn, vous avez une exposition de Julia et Vincent. Après, Tilt et Gaëlle Bonnefond, c'est un peu aussi un coup de cœur pour nous. Quelque chose d'important dont on n'a pas parlé, dont on est très heureux de les compter parmi nous cette année, c'est une exposition du Château d'Eau pour les 10 ans du Festival MAP, qui est hors les murs. Donc ça, c'est, on remercie Jean-Marc Lacab et Thérèse et toute l'équipe Galerie du Château. Galerie 3.1. Pas du tout. Non, ça c'est le conseil. C'est l'expo du conseil départemental. Mais c'est aussi hors les murs. Exactement. C'est Marie Dorigny, une immense photographe. Donc au château, au château, il y a toujours une expo photo. Au château d'eau, c'est une photographe américaine que vous allez découvrir, que vous découvrirez à la cartoucherie. Et enfin, pour finir, on a travaillé pendant un an avec l'école de photo de Bruxelles, Agnès Varda. Et donc là, ils vont exposer le fruit du boulot qu'on a fait avec eux pendant un an, et les deux lauréats dont vous venez de parler, les bourses MAP. Alors je rappelle que le Festival MAP Toulouse a lieu du 6 au 20 mai à la cartoucherie, avenue de Grande-Bretagne, le tram c'est Cassel-Hardy. Exactement. Du mardi au vendredi de 11h à 18h30, les samedis et dimanches de 11h à 19h, et il y a des nocturnes les vendredis et le samedi de 19h à 22h. Toutes les informations sur le festival et les artistes, bien entendu. On peut voir aussi les anciens lauréats sur le site. Oui, je crois. Ouais. De 2014 toujours, à 2017. Ouais. Toujours. Ça, c'est bien parce qu'on assiste. Chouette. On peut les suivre et on les suit. Et la suite est, pas mal. Et votre site qui est très bien fait, www.map-photo.fr. En tout cas, vous avez su prendre toutes les bonnes informations. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite un excellent festival. On écoute un morceau du groupe Addis Black Mamba. Le morceau s'appelle Miyazia. Oh, Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Dans Rien à voir quoique, on vient d'écouter le morceau Mi Asia par le septet Addis Black Mamba. Ils sont en concert au Taquin samedi, le 21 avril à 21h. On appelle ça de l'Ethio Jazz. Addis Black Mamba y explore un univers sonore à la fois mélancolique et énergique, teinté d'afrobeat, de blues, de funk, de rock psyché et de free jazz. C'est donc samedi soir au Taquin à 21h, 23 rue des Amis Donniers, je vais bien le dire. Ça coûte 8€ et en plus au Taquin, vous pourrez découvrir le travail de l'illustrateur Brice Marshall que nous recevons la semaine prochaine dans l'émission. Et ouais. Et en fait, on va se quitter, François. Il le faut. Avant de se quitter complètement, je voulais vous parler d'un événement du côté de Nantes où le collectif Pollen régale les oreilles des visiteurs et des passants pour la deuxième année consécutive avec son festival audio-scénique Bruit. Bruit explore la création scénique et la matière sonore et organise un exercice de montage. Alors pour cela, il faut télécharger un pack de sons sur le thème des vibrations que vous trouverez sur le site de Pollen, pollen-n.org, ou sur la page Facebook de l'émission Rien à voir quoique, sur les réseaux sociaux. Enfin, faut quand même bien taper dans son moteur de recherche, parce que si vous tapez Bruit Nantes, il y a d'autres trucs qui sortent. Et vous envoyez 2 minutes de montage, alors avant le 2 mai, c'est très bientôt, à contact@opusbleu.fr. Ce concours s'adresse à tous, d'ici ou d'ailleurs, et nous on aime la création sonore. Vous faites de la création sonore, Ulrich ? Il m'est arrivé de travailler avec des créateurs sonores et des vidéastes, un travail en Alaska entre autres, un film qui s'appelle Alaska Highway, où j'ai mêlé photographie, entretien sonore et vidéo. Super. Voilà. Un grand merci encore à nos invités. Merci. Pierre Garrigue et Ulrich Leboeuf qui sont restés jusqu'à la fin du festival. On est bien, à Campus FM. Ouais. Photo map, comme la carte. Map, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que map en anglais, c'est la carte. Mais ça veut dire mise au point. Un bisou à Hugues qui n'a pas pu venir ce soir. Un bisou à Lou qui est à mes côtés. Et merci François à la réalisation technique de l'émission. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver le podcast ou le replay de cette émission sur le Mixcloud de Campus FM ou sur la page Facebook de l'émission demain. Dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. On se retrouve la semaine prochaine. Restez branchés sur les ondes de Campus FM avec Open Close dans quelques instants.